relancer, dynamiser la lecture. C'est pareil, on part toujours... Vous écoutez l'émission de Patrick Tréau, Comment créer le paradis sur Terre. Patrick Tréau, c'est maintenant sur Radio Impact. Bonjour à tous, bienvenue à la première émission de Comment créer le paradis sur Terre. Votre hôte pour la prochaine heure, Patrick Tétrault. Donc, vous êtes sur Radio Impact et ça me fait plaisir de vous accueillir. Et donc, aujourd'hui, on va vraiment mettre la table. C'est la première émission. Mais tout d'abord, j'aurais deux petits points avec lesquels j'aimerais commencer. Premièrement, j'aimerais remercier M. Guy Bouliane d'avoir mis sur pied cette radio. Donc, M. Bouliane, qui est vraiment un homme d'action, et je suis très impressionné. Et on a vraiment besoin de travailler en équipe, toute la collectivité, toute l'humanité. Et c'est important de s'entraider, et c'est vraiment aidant, ces projets. Donc, je le remercie personnellement. Aussi, j'ai un autre point que j'aimerais souligner. C'est que c'est important pour moi, je suis très ouvert aux commentaires, aux questions, critiques, etc. Donc, parce que, évidemment, c'est un projet collectif. Le paradis sur Terre, ce n'est pas mon projet à moi personnellement, même si, évidemment, ça me concerne 100%. Mais c'est un projet, dans le fond, évidemment, de toute l'humanité. Quand on parle de paradis sur Terre, c'est un projet collectif qui implique tout le monde. Donc, c'est certain que je suis ouvert aux commentaires et aux questions, etc. Donc, vous pouvez se faire, si vous voulez, il y a un forum sur la page web de Radio Impact ou, évidemment, c'est toujours possible par Facebook. Donc, c'est pas très difficile à trouver sur Internet. Sur Facebook, Patrick Tétrault. Ceci étant dit, on va commencer aujourd'hui. C'est sûr que ça va être, on va faire un survol du plan, parce que l'émission, c'est de comment créer le paradis sur Terre. Donc, c'est l'élaboration d'un plan. Et pour atteindre cet objectif-là, qui est évidemment un objectif de civilisation, donc c'est un objectif qui concerne tout le monde, toute la planète, toute l'humanité finalement. Donc, je considère aussi que non seulement ce projet est unique et irremplaçable, mais en plus que le plan que moi je vais vous proposer au cours des prochaines émissions, c'est le meilleur. Donc, pourquoi j'affirme ça? Tout simplement parce que si vous avez ou quelqu'un a des meilleures idées, ça va me faire plaisir de les intégrer et de les adapter. Certaines de ces idées que je vais vous partager sont de mon cru, de ma réflexion, mes observations, mais c'est entendu que je peux les piger ailleurs. Ça peut être n'importe qui, dans le fond, qui a des idées qui pourrait améliorer le plan. Donc, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Et on va aller en commençant par l'approche générale, c'est sûr, et éventuellement, de plus en plus, on va se diriger vers des projets concrets et même certains qu'on va pouvoir mettre en branle. Ça va venir avec à la suite des émissions. Mais le paradis sur Terre, ça peut sembler farfelu, réaliste, mais en fait, ce n'est pas du tout. C'est un projet très sérieux. Sérieux, je veux dire, c'est dans le sens que c'est pour de vrai. Donc, on veut vraiment l'activer. Et mes idées, en général, sont très simples, c'est logique, c'est facile à comprendre et c'est à la portée de tous ceux qui veulent, bien entendu, s'en intéresser. Donc, même si ça peut être à certains points, surtout au début, ça peut paraître philosophique, mais la raison pour laquelle on commence avec la philosophie, c'est que c'est la base de tout, la pensée. Si on fait un plan, c'est tout d'abord dans notre imagination. Il faut s'entendre au niveau philosophique et aussi corriger certaines erreurs philosophiques. Parce que s'il y a des erreurs au niveau de la pensée, de la philosophie, de l'approche, à ce moment-là, ça se répercute sur toute l'activité et la suite. Et donc, il faut corriger ça au début. Donc, c'est pour ça qu'il y a un certain aspect philosophique. Mais c'est quand même pas de la philosophie très approfondie ou très académique, je dirais. Donc, quand je parle du paradis sur Terre, ce n'est pas une discussion aussi où ce qu'on partagerait nos souhaits, nos idées pour un éventuel monde meilleur, où on réinvente le monde, dans le fond, pour ensuite retourner le lendemain à son quotidien. C'est généralement là, de cette façon-là, qu'on voit les choses lors des discussions sur un monde idéal qu'on souhaite, mais dont on sait pertinemment que ça n'arrivera pas avant longtemps. Donc, on arrive toujours à un moment où on se dit qu'il faut être réaliste puis que le monde ne changera pas. Donc, au mieux, on cherche les initiatives, les gens qui, en guillemets, changent le monde. Puis là, on garde espoir que peut-être un jour, en accumulant les bonnes choses, les initiatives, etc., on va éventuellement avoir un monde meilleur. Donc, je ne doute pas une seconde des bonnes intentions des gens, et surtout qu'il y a beaucoup de beaux projets, des choses extraordinaires dans le monde. Même que plusieurs affirment que notre civilisation n'a jamais été aussi bien. À certains points de vue, c'est vrai. Les choses se sont améliorées. Sauf que le problème, c'est que ça ne marche pas. On va voir pourquoi ça ne marche pas et comment y remédier et pourquoi il est urgent de le faire. Donc, il est urgent de changer de stratégie pouvoir créer le paradis sur Terre. C'est-à-dire travailler délibérément, consciemment, à un objectif de civilisation. Parce qu'avec nos stratégies actuelles, je ne vois pas comment nous allons y arriver. Peu importe si les choses se sont considérablement améliorées dans l'ensemble de notre société, civilisation, et si on se compare au Moyen-Âge en tout cas, notre problème, c'est qu'il demeure toujours des choses inacceptables dans notre société sur Terre. Ce que j'entends par choses inacceptables, évidemment, il y en a plusieurs, mais on les reconnaît tous, la famine, les guerres, les meurtres, les cures et la technologie qui restent ces tablettes, l'esclavage économique, financier, la misère, les dictatures, etc. Donc, il n'en manque pas. Et toutes ces choses-là, dans le fond, pourraient techniquement ne pas exister. Il ne manque pas de ressources de place sur Terre pour nourrir tout le monde. Donc, on le sait, mais les problèmes sont toujours là. On ne les a pas réglés. Donc, pour faire une image, j'aime bien utiliser les images. Certains disent que ça n'a jamais été aussi bien. Le problème, c'est si on compare l'assiette, si on comparait, par exemple, une image, une assiette avant, c'était donc peut-être plus frugal. Là. Il y avait quelques légumes crus, un peu de céréales, etc. Aujourd'hui, on a une belle assiette avec des fruits de mer, des mets raffinés. Sauf qu'il y a un petit, je veux pas être vulgaire, mais un petit tas de merde en accompagnement dans son jus d'urine qui vient tout gâcher la sauce finalement. C'est de la façon que je vois ces choses-là inacceptables dans notre civilisation. Et ça rend la situation inacceptable. Donc ça peut pas être en fait toléré une journée de plus. Donc il faut vraiment y remédier. Et c'est ça qui demande une résolution urgente. On n'est pas en réalité dans une urgence climatique, on est dans une urgence d'intégrité et on va l'être tant que ces choses-là inacceptables vont être là. Donc, parce que c'est un principe là, de base, si je côtoie des choses inacceptables, que je ne dis rien puis je ne fais rien, bien j'en deviens responsable. On peut appeler ça le principe d'omission. Donc, je ne suis pas responsable uniquement de mes choix actifs, de ce que je fais, mais aussi de mes choix passifs, de ce que je fais, mais aussi de ce que je pourrais faire et que je ne fais pas. Donc, c'est ça qu'explique, dans le fond, la parabole du bon samaritain. Évidemment, quand on parle de la parabole du bon samaritain dans la Bible, pour ceux, je peux peut-être rappeler brièvement, il y a quelqu'un qui se fait attaquer, il est laissé pour mort dans le fossé, Et là, il y a une première personne qui passe, qui le voit et qui ne fait rien, il continue son chemin. Et il y a une deuxième personne qui passe, le bon samaritain, donc il l'aide, la personne. On focus souvent sur le bon samaritain, mais la première personne aussi, il y a quelque chose, un enseignement à avoir là-dedans. Évidemment, la personne n'a rien à voir avec cet incident. Elle n'est pas responsable. Par contre, elle pourrait faire quelque chose, mais elle ne le fait pas. Donc, dans le fond, c'est comme un meurtre. Et donc, ce principe s'applique pas juste aussi à un événement que je croise par hasard sur mon chemin, comme dans cette histoire-là du bon samaritain. Mais ça s'applique aussi à ce qui se passe partout. Donc, c'est pas juste que je croise quelqu'un dans le fossé, mais si je sais, comme par exemple la faim dans le monde, je sais qu'il y a du monde qui crève de faim, il faut que je fasse quelque chose pour résoudre ce problème-là. Et donc, ma responsabilité, puis aussi, il y a un autre niveau, ça c'est un niveau individuel, mais ma responsabilité ne se résume pas non plus à ce que je peux faire par moi-même par rapport à ça ou n'importe quelle situation, mais aussi qu'est-ce que je peux faire avec les autres. Donc, avec la collectivité. Et ce principe-là, dans le fond, ça va nous amener à la première partie du plan pour le plan pour créer le paradis sur Terre que je vais vous proposer. Et la première partie, c'est la responsabilité individuelle qui, en fait, je nomme l'autorité individuelle. Donc, je peux nommer les trois parties. L'autorité individuelle. La deuxième, c'est la partie du plan, c'est l'autorité collective. Et la troisième, la création collective. Donc, aujourd'hui, on n'aura peut-être pas le temps d'avoir toutes les trois parties, mais on va quand même avoir un survol général. Et aussi, je vais faire une petite introduction sur le plan, juste après cette pause musicale. Donc, je vous invite, comme j'ai dit, à laisser des commentaires, vous êtes des bienvenus. Et on va commencer par une petite pause pour alléger un peu le tout. Donc, une pause musicale, je reviens tout de suite après. Nous sommes de retour à l'émission Comment créer le paradis sur Terre. Patrick Tétrault avec vous. Donc, avant d'en arriver à la première partie du plan qui est l'autorité individuelle, j'aimerais faire un petit survol, une introduction donc, du projet, parce que en fait, c'est un projet. Donc, créer le paradis sur Terre. Et faudrait que je mette au clair de quel projet il s'agit. Premièrement, c'est un projet qui concerne toute la civilisation, comme j'ai dit tantôt. Donc, toute l'humanité, tout le monde, tous les pays, les cultures, les religions. Donc, pas seulement une partie, le Québec ou l'Occident, par exemple. Et aussi, c'est un projet qui considère toutes les dimensions de la vie. Donc, pas seulement l'environnement ou une cause en particulier, ou un certain nombre de causes, quelques causes, mais toutes les causes. Donc, c'est pour donner une image, c'est notre préoccupation, c'est comme celle d'un président-directeur général d'une entreprise, et pas seulement un vice-président. Par exemple, le vice-président aux ventes. Le vice-président aux ventes, il pourrait dire, les ventes, c'est important. S'il n'y a pas de vente, l'entreprise va mourir, elle n'existera plus, ce qui est vrai. Sauf que ses préoccupations ne sont pas les mêmes que le président-directeur général. Par exemple, il y a d'autres vice-présidents. Le vice-président à la recherche et développement. Parce que c'est bien beau vendre les produits ou les services, mais s'il n'y a pas de recherche et développement, éventuellement, ça se pourrait que les produits soient... le marché ne soit plus aussi fort et que les ventes baissent. Donc, la recherche et développement, c'est important aussi. Et évidemment, il y a beaucoup d'autres sections dans l'entreprise. Et c'est la même chose avec cet objectif-là, cette cause-là, si on veut. C'est une cause qui inclut toutes les causes et tout le monde. Et pour faire une image, une analogie là, avec la réalité, c'est que, par exemple, l'environnement, c'est un peu comme ce vice-président-là aux ventes. Les écologistes disent, mais si l'environnement et l'écologie tombent, tout le reste, ça sert à quoi? Ce qui est vrai. Sauf que si on considère seulement cet aspect-là des choses, ce n'est qu'une dimension. Et c'est probablement celle qui prend le plus de place. On aspire à l'objectif, dans le fond, à ce niveau-là, c'est de sauver la planète. Sauf que ce n'est pas du tout le même objectif et on ne s'enligne pas de la même façon que si on veut créer le paradis sur Terre. Donc, évidemment que l'environnement, c'est important, mais le paradis sur Terre, ça n'englobe pas seulement cet aspect-là, c'est tout ensemble. Donc, on parle évidemment de la finance, l'économie, l'éducation, la politique, évidemment, le pouvoir. Donc, on va tout voir ça. Et c'est important de tout considérer, donc, de se dissocier, de faire la distinction entre ce projet-là et les autres projets. Évidemment, si quelqu'un est impliqué dans une cause ou une autre, ces causes-là, et c'est entendu que c'est très important de s'en occuper. Mais il faut juste établir la distinction pour que ce soit clair. Ensuite, il s'agit d'un objectif. Donc, évidemment, c'est un objectif. Donc, c'est quelque chose de spécifique qui doit être défini. Donc, il ne s'agit pas juste, entre guillemets, de changer le monde ou de vouloir un monde meilleur. Évidemment qu'on veut ça. Mais ces expressions-là, ça ne décrit pas des objectifs. C'est trop vague. En fait, en réalité, si on s'y arrête, ça ne veut rien dire. C'est comme dire quelqu'un qui dirait « je veux plus d'argent » ou « je veux perdre du poids ». Toutes les coachs de succès vous le diront. Un objectif, il faut que ça soit spécifique. Donc, Tony Robbins répète depuis longtemps, il répète souvent, si quelqu'un demande, il veut avoir plus d'argent, il dit « tiens, voilà 2$, puis va voir ailleurs ». En voulant dire que c'est pas assez défini, spécifique comme objectif. C'est la même chose pour, dans le fond, pour toute l'humanité. Si on se crée un objectif, mais il faut que ce soit, dans le fond, c'est de se donner un objectif. Et où est-il en ce moment, cet objectif-là, pour toute l'humanité? Qui s'en occupe? Qui en parle? À ma connaissance, pas beaucoup. Donc, on parle évidemment de l'environnement, comme j'ai dit tantôt. On parle aussi des sous-objectifs. L'environnement, c'en est un. L'économie, si on veut. La fin dans le monde, c'est toutes des choses extrêmement importantes. Il n'y a pas de problème avec ça, sauf que ce n'est pas un objectif qui inclut toutes les dimensions. Et aussi, un autre, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est évidemment des objectifs, des sous-collectivités. Par exemple, le Québec. On veut avoir un pays ou une province plus forte, c'est très bien aussi, sauf que ça n'inclut pas toute l'humanité. C'est la même chose aussi au niveau municipal, etc. Donc, pour revenir à ces expressions-là, changer le monde, qu'on entend souvent, et c'est donc... Mais le problème avec ça, c'est que, comme on sait, le changement, la seule chose qui ne change pas, dans le fond, c'est le changement. Et dans le fond, on n'a pas besoin de faire rien, le monde va changer de toute façon. Ensuite, quand on dit changer le monde, ça ne dit pas avec quelle ampleur. Si je fais juste déplacer une chaise, dans le fond, j'ai changé le monde. C'est vraiment pas précis. Aussi, ça ne dit pas dans quel sens. Le diable aussi, il veut changer le monde. S'il y a un objectif pour l'humanité, c'est bien ce serait peut-être le nouvel ordre mondial, mais c'est peut-être pas là où on souhaiterait se rendre. En tout cas, ça, c'est une autre question. Donc, dans le fond, ça règle le cas de vouloir changer le monde, mais c'est la même chose aussi pour œuvrer à un monde meilleur. Donc, c'est pas très difficile. Si un enfant naît, le monde est meilleur. Souriez à un étranger, le monde va être meilleur. Donc, ça ne peut pas être utilisé comme mot ou expression comme objectif. Et il y a d'autres expressions que j'ai vues, par exemple, un monde juste pour tous, plus équitable, inclusif, etc. Évidemment, ce sont toutes des belles choses, mais ce ne sont pas des objectifs spécifiques et concrets. Donc, moi, je propose, c'est pour ça que je propose de créer le paradis sur Terre. Évidemment, je vais définir qu'est-ce que j'entends. Je vais donner une définition de cet objectif-là sommaire. Je peux la donner tout de suite. Dans le fond, c'est simplement, il y a un aspect positif, un aspect négatif. Le plus important, c'est l'aspect négatif. Donc, comme j'ai parlé tantôt, les choses inacceptables qui sont sur Terre. Donc, c'est une civilisation, une nouvelle civilisation où ces choses-là ne sont pas. Donc, ça, c'est le premier côté de l'objectif. L'autre, c'est un monde où on a les choses que nous voulons en tant qu'individu. Donc, évidemment, cette civilisation-là sera perfectible. Donc, ce n'est pas un monde parfait ni un monde idéal, mais c'est un monde surtout où les choses les plus importantes, les choses inacceptables ne sont pas. C'est le plus important. Et c'est entendu que pour en arriver là, il faut quand même viser plus haut. Et donc, c'est toutes des choses qu'on va approfondir au cours des émissions, avec évidemment des objectifs concrets. Donc, donc, ce qui fait que ça bloque, pourquoi dans le fond, on entend souvent ça, il veut changer le monde, ou cette personne-là change le monde, mais pourquoi cette personne, en réalité, s'occupe de cet objectif le collectif? Mais c'est parce que peut-être, je ne sais pas exactement la psychologie, mais on se demande, dans le fond, c'est à qui de s'occuper de ça. On s'occupe de nos affaires, ce qui nous concerne plus ou moins directement, mais ça ne peut pas être nous qui va prendre le lead ou de se donner un objectif qui implique tout le monde, parce qu'on peut se dire, je suis qui, moi, pour faire ça? Mais en fait, peut-être qu'on se dit qu'on est juste quelques-uns, ou qu'on n'a pas beaucoup d'influence, de puissance, donc on va faire ce qu'on peut à partir de notre vie, mais faire quelque chose à notre mesure, faire de notre mieux, et puis on se dit que si d'autres font la même chose, mais peut-être qu'un jour, on va finir par avoir un monde correct. Au moins, on va avoir fait notre part, puis on se dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus que ça? Je suis juste une personne. Et comme je l'ai dit tantôt, je doute pas du tout des bonnes intentions des gens, mais cette attitude-là, puis cette stratégie-là sont fausses. Mais l'attitude est fausse, puis la stratégie est insuffisante. Donc, l'attitude est fausse parce que si c'est pas moi qui est responsable de toute, dans le fond, la destinée de toute l'humanité, qui l'est, et pourquoi il y en aurait un qui serait plus responsable que l'autre, et la stratégie qui consiste à ce que chacun fasse de son mieux, puis nettoie son jardin, comme on dit, s'occupe de sa vie, ben ça, c'est une illusion. Parce que l'humanité, c'est plus qu'un ensemble de monde avec leur petit environnement, si vous voulez. Donc, on va revenir plus en détail de cette question-là, de la collectivité, parce que c'est vraiment entre l'individuel et le collectif, c'est là que ça se joue. c'est là que si on fait des avancées à ce niveau-là, on va vraiment pouvoir avoir du pouvoir puis de créer le monde qu'on veut. Donc, on va en revenir plus en détail. Donc, ce que je veux dire, c'est que, c'est ça, on est responsable au niveau de notre vie personnelle, mais on est responsable aussi à tous les autres niveaux. Et ça va être la première étape là, du plan, qui est la responsabilité individuelle, ou en fait, l'autorité individuelle, c'est-à-dire que c'est l'individu qui est l'autorité. Et donc, c'est la première partie du plan. Donc, je répète les trois parties, l'autorité individuelle, l'autorité qui va nous amener à l'autorité collective et qui va nous permettre de s'accaparer la création collective pour créer, évidemment, le paradis sur Terre, qui est le monde qu'on veut. Donc, on va retourner à une autre petite pause musicale et je reviens tout de suite après. Thank you. Donc, d'accord, nous sommes de retour à comment créer le paradis sur Terre. Donc, on a vu les trois parties du plan, donc l'autorité individuelle, l'autorité collective et la création collective. Donc, on va approcher tranquillement la première partie, donc qui est l'autorité collective. Et l'autorité, en fait, c'est le pouvoir créateur des décisions. Et on va reconnaître que c'est l'individu, la personne qui est l'autorité. Premièrement, je vais ouvrir une parenthèse pour donner la définition que j'entends au mot, comme l'autorité. Parce que des fois, c'est entendu qu'un mot peut avoir plusieurs définitions et peut avoir plusieurs utilisations. Je vais expliquer la mienne pour que ce soit clair. Donc, l'autorité, c'est un des éléments du pouvoir. Donc, j'ai trois éléments qui définissent le pouvoir. Le premier, c'est la possibilité. Le deuxième, le potentiel. La capacité. Le troisième, l'autorité. Donc, par exemple, le potentiel, ça serait par exemple les ressources, l'énergie. La capacité, c'est le savoir-faire, la technologie. Et l'autorité, c'est la décision. Donc, pour faire une image, si j'ai le pouvoir de boire un verre d'eau, ben, premièrement, ça prend un verre d'eau. Ça, c'est le potentiel. La capacité, il faut que je sois capable de boire le verre d'eau. Ensuite, il faut que je décide de le boire. Donc, ces trois choses-là composent le pouvoir. Et l'autorité, c'est la décision. Donc, quand je dis que l'individu qui est autorité, c'est que dans le fond, c'est les individus qui décident. Il faut comprendre ensuite, une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que les individus, c'est quand même assez simple comme concept, mais les individus, en fond, il n'y a que des individus. C'est une évidence, mais c'est important de s'arrêter pour y penser. L'individu, c'est l'élément fondamental. C'est au niveau de l'humanité, évidemment. C'est sûr qu'il y a d'autres choses que des êtres humains, mais au niveau de l'humanité, il n'y a que des individus. Donc, les autres choses, ce sont des ensembles qui sont constitués d'individus. Par exemple, la famille, les entreprises, les groupes, les nations, puis éventuellement toute l'humanité, bien entendu. Donc, l'élément fondamental, c'est les individus. Les sociologues vous diront que c'est plutôt la communauté qui est l'unité fondamentale, mais on n'est pas des sociologues. Et de toute façon, si on réfléchit un peu, la communauté, l'élément fondamental de la communauté, c'est les individus qui composent cette communauté-là. Donc, c'est ça, c'est le premier point. Ensuite, un autre concept très important à comprendre, c'est la liberté. Et là, ici, je ne parle pas, comme bien entendu, on peut donner plusieurs définitions à un concept. Je ne parle pas de la liberté en tant que valeur, mais en tant que principe. Universelle. Donc, dans la création, la liberté, elle est partout et elle est tout le temps. Donc, sans liberté, il n'y a pas de création. Donc, l'individu qui est dans la création est libre partout et tout le temps, comme tout le reste, dans le fond. Et notre liberté, en tant qu'être humain, s'exprime via notre capacité de choisir. Et c'est le paradoxe, la liberté, on est libre de tout sauf d'être libre. Parce que la liberté est tout le temps là. Autrement dit, on n'a pas le choix de choisir, ou ne pas choisir, c'est choisir de ne pas choisir, etc. Donc, c'est quand même assez connu que si on ne prend pas une décision, c'est une décision en soi. C'est un peu la même chose, dans le fond. Et un choix, c'est quoi? Ben, ça peut être plein de choses, mais entre autres, c'est une cause. Donc, et une cause, ça entraîne une conséquence. Ce qu'on va appeler dans mon approche, dans le plan, ce qu'on va appeler une création. Donc, il faut comprendre que l'individu est responsable, car il est libre, et donc il fait des choix, et ses choix apportent des conséquences. C'est ce à quoi on fait référence quand on dit qu'il crée, donc l'individu crée. Donc, si on met tout ça ensemble, on peut affirmer que je suis, donc un individu libre, donc je fais des choix qui portent conséquences. Ou je pourrais dire, je suis libre, donc je crée. Et si on revient sur avec le paradoxe de la liberté, donc je ne peux pas faire de choix, je ne peux pas ne pas faire de choix, et je ne peux pas ne pas prendre de décision, donc je ne peux pas ne pas créer, je suis créateur tout le temps. Donc l'individu est créateur, donc il est responsable. Et donc, c'est la première étape du plan, c'est de reconnaître notre responsabilité, notre pouvoir, notre autorité. Ensuite, pour passer à la deuxième étape, qui est l'autorité collective, on va construire sur cette première étape-là. Donc, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour préciser plus que ce qu'on entend par l'autorité, l'individu qui est autorité. Parce que être autorité, c'est, on est responsable de tout, mais on n'a presque rien à faire. On n'a rien à faire en réalité. Donc, je vais développer un peu ce point-là après la prochaine chanson. On est responsable, mais on n'a rien à faire, ou presque. Ça me rappelle une anecdote. Pendant les élections, je me suis présenté à la mairie à Sherbrooke, puis une intervention, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit, c'est bien beau ça, la participation des citoyens, etc., parce que c'est des choses que j'avais proposées. Mais il dit, le monsieur, monsieur et madame tout le monde ne veut pas participer à toutes les... Dans le fond, c'est pour ça qu'il délègue à des gens pour s'occuper de ça. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que le citoyen, l'individu, soit à l'autorité. C'est pas à nous de tout décider. Donc, ça ne veut pas dire qu'on, en fait, on a tout faire, à s'occuper. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de savoir ou de s'occuper de tout. À notre part, ce que personnellement, individuellement, on a à faire, c'est presque rien. En fait, c'est presque négligeable. L'autorité, ce n'est pas l'action ou l'expertise, c'est la décision. Dans le fond, on délègue presque tout. Je peux donner une analogie. Par exemple, Henry Ford, qui n'avait pas son secondaire 5, ça ne l'a pas empêché de créer... En fait, une des plus grosses entreprises qui a démarré, qui a révolutionné l'ère industrielle, en fond, il n'était pas expert, il n'était certainement pas ingénieur. Donc, et aussi, un principe que j'appelle, que j'aime bien utiliser, c'est le plombier. Donc, j'ai un problème chez moi de plomberie, l'eau coule. Donc, j'appelle le plombier et si, dans le fond, il arrive, c'est qui l'expert? C'est qui le professionnel? Mais c'est le plombier. Et c'est qui le boss? C'est moi. Donc, ce principe-là s'applique pas juste à la plomberie, s'applique à tous les experts, toute l'expertise, et pas seulement aux experts, aussi aux fonctionnaires, au gouvernement. Parce que le gouvernement, dans le fond, c'est quoi? C'est une gang de fonctionnaires qui sont plus ou moins bien organisés, mais en tout cas, c'est des fonctionnaires. Et donc, ils sont engagés parce qu'ils sont capables de faire... Il y a un travail à faire, ils sont engagés pour leurs compétences, pour accomplir ce travail-là. Mais ce sont des mandatés, des serviteurs, des engagés, appelez ça comme vous voulez. C'est la même chose pour tous les experts. Aussi, on peut étendre à toutes les autorités qu'on est habitué à laquelle on est habitué à faire référence, les entrepreneurs. Peu importe la grosseur de l'entreprise. Et dans le fond, c'est nous qui avons le pouvoir. Si on arrête, comme ça a souvent été mentionné, si on arrête d'acheter d'une entreprise, elle ne pourra pas survivre. Donc, c'est nous qui décidons à la base et ultimement du sort des entrepreneurs. Et aussi, c'est nous qui décidons quelle entreprise, quel produit, quel service se développe ou se développe pas. Ce ne sont pas les entrepreneurs. Il y en a beaucoup qui disent que c'est eux qui vont... changer le monde, encore cette expression-là, mais dans le fond, il y a des inventeurs, on peut les mettre dans la même catégorie que les entrepreneurs, qui ont voulu, qui veulent encore peut-être, de développer toutes sortes de choses que, comme vous savez bien, qui n'ont pas trouvé de débouché, ne se retrouvent pas sur le marché, on ne les utilise pas, tant au niveau médical que technologique. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais donc, ils ne se retrouvent pas. Si c'était les entrepreneurs qui avaient vraiment l'autorité, ils pourraient les mettre sur le marché. Mais ils ne l'ont pas. C'est nous qui l'avons. Donc, comment ça se fait que ces choses-là se retrouvent pas? Mais c'est ce genre de choses qu'on va régler en devenant l'autorité collectivement. C'est ce qui va être la deuxième partie du plan. Donc, je suis responsable de tout et... Et c'est à moi à y voir. Donc, si je dis rien, je consens. Donc, il faut que j'y voie à ce que les choses se déroulent comme moi, je voudrais qu'elles se déroulent. Donc, mais est-ce que je peux vraiment tout surveiller? Est-ce que je peux tout changer, ce que je trouve inacceptable? Et, mais individuellement, certainement pas. Et il y en a tellement que même si je le pouvais, comment pourrais-je le faire? Donc, c'est la question que je me suis posée. Et la réponse, mais c'est ce projet-là que je suis en train de faire et de vous proposer avec vous, en fond. Parce que en se mettant ensemble, en activant le projet et de création du paradis sur Terre, c'est toutes ces choses-là en même temps qu'on règle. Parce qu'il faut toutes les régler, toutes en même temps, toutes ensemble. Parce qu'on voit bien que individuellement et une partie à la fois, ça ne fonctionne pas. Donc, dans le fond, c'est pour créer la nouvelle civilisation, il faut créer une nouvelle organisation collective, citoyenne, appelez ça comme vous voulez, pour avoir le pouvoir, l'autorité, et créer le monde qu'on veut. Et de par le fait même, en créant un monde où toutes les choses inacceptables ne sont pas, on va régler tous ces problèmes-là. et on va exercer l'autorité que nous sommes. Je vais exercer l'autorité que je suis. Donc, ça va aller pour ça. Je peux donner un autre exemple, la faim dans le monde. C'est la même chose que, dans le fond, c'est un exemple plus précis là, de choses inacceptables. C'est sûr qu'il faut que ça cesse, ça fait longtemps, comme j'ai dit plus tôt. C'est pas les ressources qui manquent, mais ça ne s'arrête pas. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui s'impliquent, même au niveau local, dans des pays plus dits industrialisés ou riches, parce qu'il y a des problèmes à ce niveau-là. C'est extrêmement important, il ne faut pas négliger les actions qui sont faites pour soulager, en fait, mais ça ne règle pas le problème, il faut s'entendre là-dessus. Donc, c'est un peu, en fond, la charité au niveau à la mère Teresa. Donc, il y a de la souffrance, il y a des problèmes, il faut faire quelque chose tout de suite. Sauf que ça ne règle pas le problème. Si on ne passe pas au deuxième niveau de la charité, le deuxième type de charité, qui est de changer la structure, les systèmes, pour régler le problème à la source, à ce moment-là, la première charité perd son sens, et même, on pourrait même dire qu'elle permet la continuité des problèmes, parce qu'elle rend plus tolérable, mais si on ne s'affaire pas à la deuxième niveau de charité, qui peut ne pas paraître être de la charité, mais en œuvrant, en ayant un plan pour créer le paradis sur Terre, on va, de par le fait même, régler la faim dans le monde, si on veut, et tous les autres problèmes, les souffrances, beaucoup de souffrances. Et ça, c'est de la charité. Mais c'est sûr que ça ne se fait pas au détriment de la première, qu'il faut évidemment faire. Il faut s'occuper des choses, aider les gens comme on peut tout de suite. Mais il faut aussi penser plus loin et constater que ça ne fonctionne pas et ça bouge pas vraiment. Et se demander pourquoi. Et évidemment, vous pouvez très bien ne pas être d'accord et avoir d'autres propositions. C'est pour ça que je vous invite à me partager ou vos commentaires ou vos suggestions, etc., et critiques. Donc, vous pouvez, comme j'ai dit au début de l'émission, le faire sur le site de Radio Impact, donc dans l'onglet forum. Et bien sûr, vous pouvez me trouver sur Facebook, donc Patrick Tétrault, pour participer ou me donner vos commentaires. Vous êtes les bienvenus. Donc, on va retourner à une autre petite pause musicale et on va revenir avec la deuxième partie. On va l'aborder peut-être juste un petit peu, on va l'effleurer parce que le temps avance. Et qui est la deuxième partie, évidemment, qui est l'autorité collective. Donc, pour passer de la première autorité individuelle à l'autorité collective, c'est-à-dire, évidemment, la capacité de contrôler les décisions qu'on prend collectivement. On le fait jusqu'à un certain point, mais on va voir que, peut-être pas aujourd'hui, mais que le système politique actuel, avec les élections, ne nous permet pas du tout de faire ça. Donc, on va voir ça après la pause musicale qui va commencer à l'instant. Nous sommes de retour avec le dernier segment où on va aborder, on va commencer à aborder le deuxième plan, la deuxième partie du plan, c'est-à-dire, et qui est l'autorité collective. Et je vous dis tout de suite, l'autorité collective, ça va passer par, il y a un passage obligé et qui est notre priorité, qui est l'unité. Donc on va voir ça, on va essayer d'en arriver là aujourd'hui. Pour commencer, on va souligner que la collectivité, c'est pas une création des individus, parce qu'à partir du moment où il y a plus qu'un individu, il y a nécessairement une collectivité. Mais comment les individus choisissent d'être en relation, comment ils choisissent de s'organiser, les règles et tout ce qui concerne les interactions, ça, c'est des conséquences, des choix. Donc, on peut dire que c'est leur création. Et donc, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième, ça va consister à considérer comment on pourrait s'organiser pour créer, ensuite accéder et éventuellement utiliser notre autorité collective qui va être à l'image de l'autorité individuelle, donc qui va nous permettre de contrôler notre création collective qui est la troisième étape du plan. Évidemment, en contrôlant ça, en comprenant comment nous créons collectivement, on va pouvoir créer le monde qu'on veut. Et donc, je le répète, c'est le paradis sur Terre que j'ai nommé comme ça pour l'instant, et qui est un monde dénué de toutes les choses inacceptables. Donc, on va régler ces problèmes-là, du coup. Et ce ne sera pas un monde parfait, mais ça va être beaucoup différent, et certainement comparé au monde qu'on a maintenant et qu'on a eu avant. Ça pourrait être comparé au paradis sur Terre, mais ce ne sera pas un monde parfait, je le répète. Donc, pour commencer à parler de la collectivité, on pourrait dire que les rapports entre les êtres humains, c'est très complexe. Ça pourrait aller jusqu'à l'infini, je dirais. Mais il y a quand même une loi fondamentale sous-jacente à tout cela, qui est une dynamique fondamentale qu'on retrouve partout où est-ce qu'il y a multiplicité. Donc, c'est pas seulement entre les êtres humains, que ce soit des bactéries, des ondes, des animaux, des planètes, etc. Donc, il y a cette dynamique fondamentale-là, qui est le rapport de force. Donc, ça veut dire, le rapport de force, ça veut dire que c'est le plus fort qui décide. Si on peut, ben, dans certains cas, c'est par rapport à une décision, ou c'est le plus fort, parce que, évidemment, les molécules et les bactéries, on ne peut pas dire qu'ils décident, mais c'est le rapport de force se joue quand même. Mais pour les êtres humains, en tout cas, dans notre cas, on va le limiter à ça. Donc, c'est le plus fort qui décide. Et comme, justement, ce qu'on veut, c'est l'autorité, et l'autorité, c'est la décision. Donc, c'est important de considérer cette dynamique-là. Et c'est entendu que beaucoup si on regarde comment les psychologues ou les sociologues analysent les rapports humains, donc, dans le fond, il y a beaucoup de comportements et d'attitudes qui sont influencés par cette dynamique-là du rapport de force. Et je vais déterminer, donc, selon moi, les trois éléments qui la composent, qui déterminent le rapport de force. Là, j'ai l'intelligence, la motivation et le degré de méchanceté. Donc, faire une image pour essayer de comprendre comment ça se joue, ces trois choses-là. Je pourrais utiliser un jeu de société, par exemple le Monopoly. Donc, qui va gagner la partie de Monopoly? Ben, c'est celui ou celle qui va combiner le plus de ces trois éléments-là. Par exemple, si quelqu'un est très intelligent, mais il n'est pas très motivé, dans le sens que c'est pas très important pour lui de gagner, il veut s'amuser, mais un autre est moins intelligent, mais extrêmement motivé, à ce moment-là, il va avoir plus de chances de gagner. Dans le rapport de force, il va jouer plus fort pour lui. Et ce que j'entends par degré de méchanceté, évidemment, dans ce cas-ci, on ne peut pas dire que c'est de la méchanceté, mais on pourrait le nommer autrement, dire que c'est une élasticité au niveau des valeurs. Bon, quelqu'un qui serait plus ouvert à tricher, disons, donc ça pourrait jouer en sa faveur, et tous ces éléments-là ensemble, ben, ferait qu'une personne aurait plus de chances de gagner, donc elle serait mieux située au niveau du rapport de force. Pourquoi j'ai utilisé le degré de méchanceté comme pour le nommer cette troisième partie-là? Ben, c'est que je regarde, si on regarde l'humanité, toute l'histoire, et dans le fond, si on extrapole le jeu de Monopoly, c'est sûr que le Monopoly, il y a seulement un petit échantillon de personnes, Mais si vous augmentez l'échantillon, qui éventuellement qui va gagner? Ben, si on regarde l'histoire, c'est évidemment le plus méchant, le plus motivé, le plus intelligent. Donc, on va revenir à plus en détail sur cette question-là. Mais tout ça, pour dans le fond, c'est que le rapport de force, tout ça pour dire que le rapport de force, nous, les êtres humains, on peut pas le gagner. Et la solution, c'est pas de d'être plus fort, dans le fond, de gagner le rapport de force, mais de le transcender. Si, en considérant que c'est une dynamique fondamentale et qu'on peut pas s'en sortir, soit qu'on est les plus forts, et dans ce moment-là, il faut gagner sur ces trois plans-là, ou soit qu'on le transcende, et comment on va transcender le rapport de force, mais c'est comme j'ai dit au début, c'est par l'unité. Donc, l'unité, c'est un concept extrêmement important, et on va vraiment l'approfondir, et éventuellement, il va falloir l'appliquer. Et il y a des projets concrets pour ce faire que je vais proposer. Et c'est aussi l'unité, ça va être un élément fondamental qui va être utilisé dans tous nos outils collectifs, les projets qu'on va faire. Donc, c'est extrêmement important de comprendre et de reconnaître sa valeur. Donc, ça termine l'émission et comment créer le paradis sur Terre. Je vous remercie beaucoup. Et comme j'ai dit, si vous êtes intéressé à laisser des commentaires, vous êtes les bienvenus et j'apprécierais beaucoup. Donc, sur le forum du radioimpact.ca ou sur Facebook. Donc, on se laisse et on se voit la semaine prochaine à même heure ou en enregistrement. Merci, au revoir.